Lille, 18h30, Radio France à Berlin et place à Berlin Palace avec vous, Philippe Collin, bonjour. Merci, bonjour Ali Badou, merci beaucoup, nous sommes très fiers que vous nous passiez le relais. Voilà, à très bientôt, let's go Marco. Il couine encore, ces salauds-là. Vive la panique, vive la République. Bonsoir et bienvenue, chers amis, au Berlin Palace. Was ist los mit dir, mein Schatz? Geht es immer nur bergab? Da, da, da. Da, da, da. Alors, il s'agit ici ce soir, en 28 minutes, de t'offrir l'histoire de la chute du mur pour les nuls. Une émission complètement à l'ouest et sous ecstasy, bien sûr. Bon, avant tout, notre désir est simple. Vois-tu, pour toutes celles et ceux qui ont loupé le début, mais aussi pour les fanatiques du Burin et les nostalgiques du Parpaing, nous voudrions qu'après 19h, vous soyez tous capables de frimer au dîner ce soir et de maîtriser ainsi l'essentiel de ces formidables événements qui se sont déroulés il y a tout juste 20 ans. Mais cela dit, il faut commencer par le début, bien entendu. Alors primo, pour épater tes amis donc, retiens la date du 13 août 1961, à l'heure où le jour se levait sur Berlin. À Berlin, calme apparent ce matin, seulement après le rideau de fer, après le rideau de barbelés, plus concret qui sépare les deux zones depuis quelques jours, les communistes viennent de dresser une sorte de rideau de ciment. Attendez, excusez-moi les filles, là c'est quoi tous les petits ronds, les petits trous, les fissures, les machins, il faut enduire là, c'est une... Attendez, ne me prenez pas pour un truffon, il est pourri ce mur, regardez-moi ça, il faut enduire. Envoyez le matériel. Eh bien, voici le matériel de notre joyeux Barnum burlesque berlinois. Ainsi, nous amorcerons nos aventures loufoques et foutraques avec une étrange carte postale sonore de la RDA. Dans la foulée, nous t'offrirons une curieuse relecture de la chute du mur et enfin, nous nous souviendrons de la rhétorique de nos hommes politiques. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est lundi soir, c'est franchement bonnard et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Berlin Palace. Alors bien sûr, monte le son et déguste cette déconfiture de mur. So heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenne ich mich daran. Jedermann nennt dich Sweet Lady Samba. Jeder sieht, dass du kein Kind mehr bist. Die bunten Lichter drehen sich wie Feuer, wenn du die Welt ringsum her vergisst. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenne ich mich daran. Rock'n'Roll, Cha-Cha-Bam und der Boogie, das ist jetzt alles für mich vorbei. Die ganze Welt tanzt heute die Samba. Olli, olli, wir sind dabei. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir. Weil die Samba uns glücklich macht. Liebe, Liebe, Liebelei. Morgen ist sie vielleicht vorbei. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenn ich mich daran. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir. Weil die Samba uns glücklich macht. Liebe, Liebe, Liebelei. Morgen ist sie vielleicht vorbei. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenn ich mich daran. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht, tanze Samba mit mir, weil die Samba uns glücklich macht. Liebe, Liebe, Liebelei, morgen ist sie vielleicht vorbei. Tanze Samba mit mir, Samba, Samba die ganze Nacht. Ah, c'est dans l'esprit de Karl, c'est la mode, c'est le monde, c'est tout, j'adore. Karl trouve ça vous de bas, j'adore. Tint Samba mit mir, une merveilleuse chanson allemande de 1977, très appréciée visiblement par Karl Lagerfeld ou Karl Marx. Ah, ça dépend. Libre à toi de choisir ton camp. Mais bon, à 18h35, il est l'heure, chers amis, de vous offrir l'histoire de la chute du mur pour les nuls. Radio France à Berlin. Philippe Collin. Avant tout, commençons par une dose d'ostalgie. Oui, figure-toi qu'en Allemagne réunifiée, après l'oubli légitime, on observe désormais un authentique revival mémoriel de la RDA. Et ce phénomène porte un nom, l'ostalgie, autrement dit une nostalgie de l'Est. Ainsi, la jeunesse d'Outre-Rhin, par exemple, organise maintenant des fêtes où il faut se pointer en bagnole Trabant, se déguiser en Erich Honecker, se trémousser sur de la musique est-allemande et porter un t-shirt sur lequel est inscrit DDR. C'est à la mode, c'est sans doute une quête d'identité et puis surtout, c'est mercantile. Goodbye Lénine. Cependant, pour mieux comprendre ce que représente réellement la chute du mur de Berlin, nous avons décidé pour commencer de confier à mademoiselle Flora Bernard le soin de te raconter quelle était la réalité de la vie quotidienne dans ce pays lointain. Allez, tends bien l'oreille, ainsi fut-il. Aujourd'hui, on parle du mur, tout court. Berlin est une ville énigmatique. Il était une fois, dans l'Est, une ville dont les habitants regardaient toujours de l'autre côté. De l'autre côté du mur, là-bas, au-delà des barbelés, nous voyons d'ici les patrouilles de la police populaire et de l'armée communiste battre la semelle, mitraillette au poing, le doigt sur la gâchette. Depuis 3 ans, 300 désespérés ont tenté l'aventure ici à Berlin même. Et dans cette ville, les gens avaient souvent la tête ailleurs. Vous savez qu'il y a eu récemment un incident au cours duquel fut abattu par les Vaupeaux de l'Est un jeune Allemand qui tentait de franchir le mur. Ce jeune Allemand, mortellement blessé, a agonisé pendant 1 heure sans que personne n'intervienne, ni les Vaupeaux, ni les Russes bien sûr, ni les Américains qui se trouvaient eux aussi à quelques mètres. Ce pays est oppressant comme des chaussures trop petites. On ne peut pas bouger, on peut juste rêver. Le pays où se trouvait cette ville était une terre d'abondance. En ce qui concerne la nourriture, l'approvisionnement semble normal, à des prix qui, cette année, ne différaient pas sensiblement de ceux de la République fédérale. En août 1961, des contingents assez importants de pêche bulgare ont été importés et on pouvait s'en procurer dans les boutiques. Quant aux boissons, on trouve partout des bières de consommation courante et des vins roumains ou russes à des prix comparables à ceux des vins rhénans de qualité courante en République fédérale. Pour les grandes occasions, la vodka n'est pas hors de prix et on trouve du champagne soviétique, comme on dit, dans toutes les bonnes maisons. Qui a mis la chaîne de l'Est ? Éteignez-moi ces bobards ! Et ce pays avait aussi, en dehors de lui, des admirateurs, complètement à l'ouest. Donc, une de mes fidèles correspondantes, qui est institutrice en Allemagne de l'Est, vient de m'envoyer 2 manuels de français qui sont les livres officiels qu'elle doit utiliser dans sa classe de cours complémentaires pour apprendre à ses élèves notre langue, notre vie et nos mœurs. Ce sont 2 jolis livres qui portent sur la couverture bleu-blanc-rouge le pont de Tancarville, la tour Eiffel et le génie de la Bastille. Les textes débordent d'esprit soi-disant pacifiste et de prétendu amour pour la France. Mais voici ce qu'on y apprend à ces petits Allemands sur notre beau pays. Une petite fille débarque à Paris. « Vous avez de la chance, lui dit la famille qui la reçoit. On est arrivé à vous trouver une chambre à l'hôtel, car la capitale ne peut loger ses habitants. » Sur la page d'en face, une photo montre une cour infecte et d'immondes taudis avec cette légende « C'est ainsi que beaucoup de Français vivent aujourd'hui. » La petite fille de l'Allemagne de l'Est a une grande pitié pour les pauvres petits Français qui doivent patauger dans ce cloaque. Sans blague, ce serait infiniment drôle si ce n'était plutôt triste. Curieux de visiter les fameux bidonvilles français, parfois, des habitants partaient. La nuit dernière, 2 Allemands de l'Est ont réussi à sauter le mur de Berlin, pourtant réputé infranchissable. Les 2 jeunes gens qui habitaient un immeuble tout proche de la zone interdite ont scié les barreaux de la fenêtre et descendu la façade à l'aide d'une corde. Après une course de 10 mètres à découvert, ils ont escaladé le mur avec 2 échelles. Le Vaupeaux, qui était de garde sur le Mirador, n'a rien vu. Sa carrière dans la police est-allemande est, semble-t-il, fort compromise. Mais ceux qui restaient, jamais, ne négligeaient leurs voisins. Bien, le voisin, il fait partie de la Stasi, il a le téléphone. Mais, et comment tu le sais, toi, qui fais partie de la Stasi? Justement parce qu'il a le téléphone. Mais alors, pourquoi il met pas le drapeau à sa fenêtre? Ben, c'est pas la peine puisqu'il a la Stasi. Mais vous, vous sortez bien, drapeau. Évidemment, puisque le voisin fait partie de la Stasi. Ah ouais, il vaut mieux accrocher le drapeau dans ce cas. Ben, c'est ce que je te dis. Dans ce pays depuis longtemps disparu, il y avait même une maison de l'amitié germano-soviétique. Et son directeur, croyez-moi, était un homme comme on n'en fait plus. P-O-U-T-I-N, Poutine, Vladimir, je l'adore, monsieur, c'est pour ça que je téléphone. Ouais, ma femme aussi l'adore, mon fils a un poster de Poutine dans sa chambre. Il est génial, vive Poutine. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Mais parce que je veux pas être empoisonné. Alors, maintenant, après nous être baladés dans ce monde merveilleux que fut la RDA, il est temps de revivre en direct de l'Institut français de Berlin le temps fort de l'événement, à savoir, bien sûr, la chute du mur. Parce que, pour les distraits qui n'auraient pas bien saisi l'affaire, aujourd'hui, partout, c'est une histoire de domino. Alors, pour celles et ceux qui auraient loupé un épisode, nous t'offrons ici un résumé de ce qui s'est passé, histoire de ne pas être trop largué ce soir à table devant les mômes ou demain matin devant la machine à café. Bien. Il était une fois, en 1989, une fabuleuse Europe traversée par un rideau de fer et Berlin coupé en deux par le mur de Berlin. Dans les premiers mois de l'année 1989, un pays frère nommé Pologne reconnaît officiellement son syndicat Solidarnosc et en juin, il organise des élections libres. Alors, bien entendu, en RDA, ces événements polonais tracassent sévère Erich Honecker, le secrétaire général du Parti communiste est-allemand, qui demande alors à ses espions de la Stasi d'aller voir si les est-allemands ne seraient pas influencés par ce qui se passe à Varsovie. Ils préparent pas un sale coup. Bon, bah déjà ça c'est pas mal. Vous êtes sûr? Ah mais j'ai fait plusieurs maisons, ils m'ont tous dit la même chose. Qu'est-ce qu'ils disent? Et qu'ils préparent pas un sale coup. Oui, non, mais je comprends pas. Parce que... Oui, non, moi non plus. Comment est-ce que vous pouvez être sûr qu'ils vous racontent pas des chars? Ah, ils m'ont pas parlé de chars. Hein. J'ai pénétré dans leur lieu d'habitation de façon subrogative. De façon quoi? Subreptice. En tapinant. En tapinant? En tapinois. Non, vous êtes balèze, vous. Ah, ben, j'ai de l'entraînement. Donc, vous êtes sûr, il n'y a pas lieu de s'inquiéter? En entrant chez eux de façon subrogative, en tapinant, je n'aurais pas laissé le temps de réfléchir à une réponse. S'ils avaient préparé un sale coup, je l'aurais vu. Et pourtant, on les voyait. Dans les premiers mois de l'année 1989, ces contestations du modèle totalitaire. En Pologne, en Hongrie et même en Chine, dis donc. Pourtant, rien ne laissait penser que la liberté pouvait être facilement accessible. Tiananmen fut d'ailleurs un massacre en juin 1989. Et quand la libéralisation du régime n'est pas une évidence, la fuite semble alors encore la meilleure solution. Ainsi, quand la Hongrie fait une brèche dans le rideau de fer et ouvre sa frontière autrichienne, c'est par milliers que les Allemands de l'Est choisissent des vacances estivales hongroises. Certains citoyens n'étant jamais revenus de leurs vacances en Hongrie, le marché de l'immobilier s'était remarquablement amélioré. Partout, on trouvait des appartements abandonnés qui ne demandaient qu'à être habités. Ça y est, les vacances battent leur plein et se déclenche en vous l'envie de vous évader dans un cadre de villégiature qui ne soit pas trop exotique pour éviter un trop fort décalage avec votre univers quotidien de bureau, le tout dans un esprit cravate, un esprit rideau. C'est donc une hémorragie. À travers le rideau de fer, les Allemands de l'Est quittent le navire RDA et c'est dans ce contexte que le 7 octobre 1989, Mikhail Gorbatchev, président du Soviet suprême, débarque à Berlin-Est pour assister aux cérémonies du 40e anniversaire de la RDA. Une visite très bien préparée par la Stasi, toujours au taquet, pour faire plaisir à M. Honecker. Seigneur Vador, voilà un plaisir inattendu. Nous sommes honorés par votre présence. Dispensez-vous de formules de politesse, commandant. Je viens vous obliger à tenir vos délais. Je vous l'assure, Seigneur Vador, nos hommes travaillent aussi vite qu'ils le peuvent. Peut-être trouverai-je de nouveaux moyens pour les motiver. Je vous certifie que cette station sera opérationnelle à la date prévue. L'empereur ne partage pas votre appréciation optimiste de la situation. Mais il exige l'impossible. Ou alors il me faut plus d'âme. Dans ce cas, vous pourrez le lui dire quand il va arriver. L'empereur vient d'ici. C'est exact, commandant. Et il n'est pas très satisfait de l'absence de progrès dans vos travaux. Nous allons redoubler d'efforts. Je l'espère, commandant, dans votre intérêt. L'empereur n'est pas aussi indulgent que moi. Mais hélas pour Erich Honecker, Mikhail Gorbatchev le nouveau tsar soviétique, n'est pas de la trempe de ses prédécesseurs, puisque c'est Perestroïka et Glasnost à gogo. De quoi porter la ferveur des manifestants allemands qui se réunissent de plus en plus nombreux chaque lundi dans les rues de Leipzig, sous la haute surveillance de la police. Pour passer les barrages, il va leur falloir escalader toutes nos barrières et nos bus, et au final, ils se feront arrêter. Bon, surtout, vous les arrêtez pas avant ça, ok? Je veux que l'image de cette ville soit clean. Combien vous attendez de manifestants? Plusieurs milliers, peut-être 10 000. On est prêt à les retenir? Un peu qu'on est prêt. Il faut que je sache que ceux qui sont prêts à aller en tôle lèvent la main. Moi, je suis prêt. Ne culpabilisez pas si vous n'êtes pas prêt à ce sacrifice. On a assez d'activistes prêts à le faire, mais on a aussi besoin de vous. Bon, allez, mes amis. Les cérémonies vont commencer dans 24 heures, alors veuillez vous tenir prêts parce qu'on va mettre ces putains d'enfoirés à terre. Ouais. Ça vous va? D'accord. On est avec toi. Eh oui, ces manifestations de Leipzig prennent de l'ampleur, d'autant qu'il est clair que les chars du pacte de Varsovie n'interviendront pas. C'est alors la crise pour les staliniens. En l'espace d'un mois, Erich Honecker, puis l'ensemble du Politburo, démissionnent. Et c'est ainsi que le 9 novembre, à la télévision, c'est l'annonce stupéfiante. Gunther Schabowski, le porte-parole du PC de la RDA, balance en direct qu'il est désormais possible de passer la frontière. Arrêtez d'escalader le mur! Attendez au moins que j'ai fini de parler! J'en reviens pas que tous ces minables aient quitté ma ville. Il n'y a plus que nous et cette boule de fleurs séchées. Il est alors 18h57. Quelques Berlinois s'approchent du mur, des groupes se forment, la nouvelle se répand rapidement et ils sont maintenant des milliers à oser s'avancer vers ce mur de la honte. Mais comment faire pour le franchir? Eh bien, le plus simple est alors de se remémorer la pensée de nos aînés, spécialistes des murs à abattre, un casting merveilleux, Léo Ferré, Georges Brassens et Jacques Brel sur la photo. Le tout, c'est de savoir ce qu'on fait quand il y a un mur devant. Est-ce qu'on passe à côté? Est-ce qu'on saute au-dessus? Ou est-ce qu'on le défonce? Ah ben moi, je réfléchis. Voilà. Moi, je réfléchis. Moi, je défonce. Enfin, j'ai envie de prendre une pioche. Non, je ne peux pas le dépenser parce que je sais très bien. Il y en a un autre après. Ah, moi, je sais bien. Moi, je contourne. Voilà, c'est ça. C'est ça qui fait la différence. Ouais. J'attends le bon moment. Mais en fait, il y a le point commun, c'est pas de savoir ce qu'on fait avec le mur. C'est quand même que tous les trois, on a envie d'aller de l'autre côté du mur qui se dresse momentanément. Et il n'y a que ça d'important. Alors, vous le contournez, vous vous réfléchissez. Et Brel le défonce. Regardez mes mains. Eh oui, c'est avec les mains, mais aussi avec tout ce qui leur tombe sous la main que les Berlinois abattent le mur. Et au matin du 11 novembre, un étrange bonhomme s'approche de ce qui était le mur et qui est déjà un vestige. Il installe sa chaise au milieu de la foule, puis il sort son violoncelle. L'un des exilés russes les plus célèbres, le violoncelliste Vladimir Rostropovitch, venu seul ce samedi au pied du mur, fêter à sa manière l'événement avec pour seul compagnon son instrument. Qu'est-ce que c'est que ça? Du oud. Cette musique, ça me fait penser à des petits chiens. C'est tellement fragile, les petits bébés chiens. Alors, est-ce que vous aimez la musique classique? Obispo, des trucs comme ça? Oui. Aussi Mozart, Chopin. Hé, merde! Oui, les marteaux-piqueurs jouent les métronomes pour le violoncelle de Rostropovitch. Car il faut les comprendre, les Berlinois. Ils sont impatients de retrouver leurs amis, leurs familles, de qui ils sont séparés depuis 28 ans. Émouvante retrouvaille, bien sûr. T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as 3 gamins. T'as réussi, tu fais médecin. Et toi, Pascal, tu pars toujours pour rien. Allez! En effet, deux mondes se rencontrent à nouveau, avec la crainte cependant que cette séparation ait laissé des traces, des cassures. Oui, après la charge des années de propagande, la découverte de l'autre se fait entre impatience et méfiance. Rien de ce qu'on m'avait raconté n'est vrai. Ces gens ne sont ni mendiants ni voleurs, ils n'ont rien des croque-mitaines qu'on en a fait. Ce sont au contraire des hôtes courtois qui possèdent un humour familier très agréable. Mais la vraie communication reste lente et le plus calme en est aussi frustré que moi. La plupart de nos progrès reposent plutôt sur une succession d'échecs que de réussites. Une chose est sûre, en tout cas, il n'y a pas de bison et cela les inquiète énormément. La rencontre d'hier a été la meilleure à ce jour. Apparemment, je suis invité au village. Je suis impatient d'y aller. Et cette impatience est compréhensible. Le mirage de l'Occident est enfin accessible pour Berlin-Est. D'ailleurs, très vite, les anciens habitants de la RDA ont bien compris que leur problème avait changé de bloc. Quel bonheur, le capitalisme! Tu veux que je te dise c'est quoi ton problème? Ton problème, il est dans ton regard. Tu sais ce que je vois, moi, quand je regarde tes yeux? Je vois de la pitié. Eh ben, tu vois ça, la pitié. Le client, il en a rien à foutre. C'est la guerre, c'est eux ou c'est toi. C'est manger ou être mangé. Eat or to be eat. That's the question. Right? T'es pas ici pour les plaindre ou pour leur dire qu'ils sont dans la merde. T'es ici pour leur vendre de la merde. Tu vas arrêter avec tes petits airs de monsieur, votre bite a un goût. Tu vas ranger ta honte en poche et tu vas te battre. Sinon, tu te casses, ok? Radio France à Berlin. Philippe Collin. Alors maintenant, voici notre dernier chapitre. Une fois le mur tombé, à ton avis, quelle fut la réaction de nos leaders politiques européens? Eh bien, avec M. Yvan Beaujolais, il est temps de découvrir cette fabuleuse rhétorique. Let's go, maestro! Cette histoire est tirée de faits réels. Écoutez cette rumeur qui nous devance, ce brouhaha, cette foule haletante. Türhaus, ouvrez les portes. Il y a vachement de trucs à vous raconter. Direction casse départ. Et à l'instant même, le chancelier Helmut Kohl vient de commencer son discours à Berlin devant des milliers de Berlinois complètement enthousiastes. Et le chancelier fédéral Kohl leur déclare... Du champagne ! Du champagne ! Voilà les enfants. Les deux Allemagnes ne font qu'une et elles doivent œuvrer ensemble à leur avenir commun. Depuis bien longtemps, j'essaie de mettre au point un traducteur informatique. Nous sommes et nous demeurons une seule et même nation et nous nous appartenons mutuellement. Oh putain, je reste, ça va être bonheur. C'est ce que dit en ce moment le chancelier Helmut Kohl lors d'un meeting devant l'hôtel de ville de Berlin. Monsieur, les télés attendent une déclaration. On va voir maintenant la réaction côté français, celle du président Mitterrand. Quoi ? Quoi, le vrai président ? Cet après-midi à Copenhague, où il avait une réunion de travail sur l'Europe avec les dirigeants danois. Écoutez-le. Je pense que ce sont des événements heureux. Ah, tu vois le genre. C'est chouette. Puisqu'ils marquent un progrès de la liberté en Europe. Le public va être ravi, monsieur le président. Pour l'instant, il y a une formidable poussée. Que vous constatez comme moi, en Allemagne de l'Est, vers la liberté, vers un système démocratique, où les Allemands de l'Est se retrouveront mieux chez eux. Vous vivez là-dedans ? Oui, alors. C'est drôlement moche. Et non pas contraint, comme certains le font, d'aller ailleurs. Ah, non, je me suis offert de la moquette et ils viennent me la poser demain, alors. Mais entre ce phénomène organique que signifierait une réunification, un certain nombre d'actes et de délais se produiront sans doute. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Oh, vous êtes voyant. Mais c'est magnifique. Oh. Alors, les autres réactions sur l'échiquier politique français? Dans deux semaines. Ah, il y a un comique dans l'histoire? Ah bah très bien, oui, les gens adorent rigoler. Les chefs d'État américains et soviétiques vont se rencontrer. Alors, gardez le sourire. Et je m'en réjouis, car c'est aussi la détente. Allez, arrosez-moi ça. Mais il ne faudrait pas que l'Europe, d'ici là, ait donné face aux évolutions actuelles le sentiment qu'elle ne prend pas elle-même son destin en main. Faut-il que je vous explique comme un enfant ? Mais oui, je crois. Il ne faudrait pas que les superpuissances soient tentées de se substituer à elles dans ce domaine. Il ne faudrait pas, en un mot, d'un nouveau Yalta. Je kiffe trop ta tête quand tu te mets à flipper. Au suivant. C'est une journée historique. Mais on peut savoir qui vous êtes ? Georges Marché. Je vois dans cette décision... Ah, c'est sûr que c'est pas Joël Rigolo, hein ? Une mesure qui va tout à fait dans le sens des réformes profondes auxquelles il faut procéder. Vous nous avez jamais parlé de ça ? En RDA et dans d'autres pays socialistes aussi. Il me semblait pas vous avoir vu repayer pourtant. Pour le renouveau du socialisme. Il y a un truc qui serait bien, ce serait qu'on passe directement à la partie action, vous voyez ? Madame, monsieur... Monsieur, bonsoir. Il y a ce soir un homme heureux. Il s'appelle Helmut Kohl. À Moscou, il vient d'obtenir une concession, la concession de Mikhail Gorbatchev. C'est le numéro un. Ah, ça, tu peux le dire. C'est vraiment énorme. Lors d'une conférence de presse donnée conjointement et en direct à la télévision soviétique, c'est le chancelier Kohl qui, le premier, annonce que l'Allemagne unifiée, accomplissant sa souveraineté, peut décider à quelle alliance elle veut appartenir. Bon, c'est pour tout ça, qu'est-ce que je vous dois ? Non, c'est ma tournée. Voilà, l'Allemagne est réunifiée, c'est ma tournée, et le Berlin Palace peut déjà refermer ses portes. D'ailleurs, au moment où je te parle, il y a 20 ans, jour pour jour et minute pour minute, c'était maintenant, c'était Günther Schabowski, le porte-parole du Parti communiste de la RDA, qui te parlait en direct et t'annonçait, volontairement ou non, l'ouverture du mur. Alors bon anniversaire aux fanas du Barnum Mural, mais aussi à tous les nostalgiques. Mon père était tellement de gauche que quand est tombé le mur de Berlin, il est parti chez Casto pour acheter des parpaings. La la la la la, la la la la la. On mangeait des Lenin's Burger, fallait vraiment faire attention. T'avais du chou, une pomme de terre, la viande, elle était en option. On achetait du Coca-Cola Cause, approuvé par le comité. Ça devait soigner la silicose, on s'en servait pour désherber. Et même si tout ce que je raconte n'est pas tout à fait vrai, le socialisme comme paradis, nous on y croyait. Mon père était tellement de gauche que lorsqu'il est parti, la gauche est partie avec lui. Bon ben, à droite tout alors, et tous à l'ouest, et c'est Gorby qui a le double 6. Da, da, da. Et voilà, c'était le Berlin Palace, une émission complètement à l'ouest et sous extasie, coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux présent à mes côtés ce soir et que je remercie chaleureusement. Merci monsieur Xavier, comment ça va monsieur Mauduit ? Et ça va très bien, nous sommes très très heureux d'être ici à Berlin avec tout ce barnum de Radio France présent sur l'ensemble des sites, ici à l'ouest et au ZDF à l'est, et on retrouvera tout à l'heure. Effectivement, c'était quelque chose de formidable à vivre. En tous les cas, nous, on était très heureux. Et les équipes techniques ont fait un boulot fantastique. Voilà, derrière les platines, à la réalisation, il y avait bien sûr ce soir le maestro H2M, Henri Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté ce soir à la technique de Cédric Lalanne, de Didier Sudre et d'Yves Lehors. Merci beaucoup, les gars, vous êtes des cadors. Et merci à toutes les équipes techniques de Radio France qui ont fait un boulot exceptionnel. Et enfin, un clin d'œil auquel je tiens beaucoup à toute l'équipe du Mangin Palace qui n'est pas là ce soir, qui est toujours à Paris, mais nous y pensons car elle a tout donné pour cette édition spéciale. Une dernière chose, nous étions très fiers de participer à cette journée Radio France fait le mur. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt et surtout, surtout, ne lâchez rien. Tchuss. On fait pas une deuxième prise. Comment ? Ah, c'était en direct ? Ah, je savais pas que c'était en direct. Retrouvez Philippe Collin, sa cellule de dégrisement et sa panique au Mangin Palace le samedi et le dimanche à partir de 11h sur France Inter. Place au devoir de mémoire. La chute du mur, 20 ans déjà. D'après des sondages, 17% donc des gens regrettent un peu les bons temps de la RDA. Ça s'appelle la nostalgie, c'est la nostalgie de l'Est. Parce que par exemple, les crèches étaient très développées, ou même les écoles. L'eau, l'électricité, le gaz, c'était pas payant. Les Est-Allemands avaient tous un travail. Ça a été la perte de leurs idéaux, parce qu'ils ont été élevés depuis tout petit avec le communisme, et même s'il y avait des extrêmes, ils dénonçaient pas tout. Mais certains, ils voulaient simplement un changement de gouvernement. Tous les communistes ont vu la chute du mur d'un mauvais œil. 20 ans plus tard, nous assistons à une seconde chute du mur de Berlin, un mur de mensonges. Aujourd'hui, l'histoire dit sa vérité. C'était Devoir de mémoire avec la francemutualiste.fr. Dis-moi, oui, comment tu fais pour être au top? Entraînement intensif avec coach personnel. Mais non, je voulais parler de ton épargne, tes placements sûrs qui rapportent chaque année. Pour ça aussi, j'ai un coach. La MACSF et son contrat d'assurance vie RES en euros pour les professionnels de la santé et leurs proches. RES? Oui, un contrat qui n'est pas dopé auto-promo et qui se classe en tête depuis plus de 40 ans. 40 ans? L'épargne, c'est une course de fond. C'est sur la durée qu'on reconnaît les meilleurs. Et ton coach, il est dispo? Toujours, au 3233 ou sur macsf.fr. MACSF. Notre vocation, c'est vous. Vous écoutez Radio France à Berlin, c'est une excellente idée. Il est 19h.